le comte de Resto quitta son air froidement cérémonieux et salua l'étudiant. Enchanté, monsieur, de pouvoir faire votre connaissance. Ce coup de baguette, dû à la puissante intervention d'un nom, ouvrit 30 cases dans le cerveau du méridional et lui rendit l'esprit qu'il avait préparé. La maison Vauquer, le père Goriot, était alors bien loin de sa pensée. Écoutez, je ne veux pas vous gêner. Adieu. Oh, restez donc, Maxime. Venez dîner. La comtesse suivit Maxime dans le premier salon où ils restèrent assez de temps ensemble. Cette femme, évidemment amoureuse de Maxime, cette femme, maîtresse de son mari, liée secrètement au vieux vermicellier, lui semblait tout un mystère. Rastignac voulait pénétrer ce mystère, espérant ainsi pouvoir régner en souverain sur cette femme si éminemment parisienne. Dites donc, Anastasie, la terre où demeure la famille de monsieur n'est pas loin de Verteuil. Le grand-oncle de monsieur et mon grand-père se connaissent. Enchanté d'être en pays de connaissance. Plus que vous ne le croyez. Comment ? Mais je viens de voir sortir de chez vous un monsieur avec lequel je suis porte-à-porte dans la même pension, le père Goriot. À ce nom enjolivé du mot « père », le comte se leva. Monsieur, vous auriez pu dire « monsieur Goriot ». Il est impossible de connaître quelqu'un que nous aimions mieux. La comtesse pâlit d'abord en voyant l'impatience de son mari, puis elle rougit et fut évidemment embarrassée. En prononçant le nom du père Goriot, Eugène avait donné un coup de baguette magique, mais dont l'effet était inverse de celui qu'avait frappé ces mots « parents de Madame de Beauséant ». Il aurait voulu se jeter dans un gouffre. Madame, vous avez à causer avec Monsieur de Resto. Veuillez agréer mes hommages et me permettre... Toutes les fois que vous viendrez, vous êtes sûre de nous faire à Monsieur de Resto, comme à moi, le plus vif plaisir. Eugène salua le couple, Madame, et sortit, suivi de Monsieur de Resto, qui, malgré ses instances, l'accompagna jusque dans l'antichambre. Maurice, toutes les fois que Monsieur se présentera, ni Madame ni moi n'y serons. Bien, Monsieur. Quand Eugène se trouva sous la porte de la rue, il s'aperçut qu'il pleuvait. Le cocher d'une voiture de louage lui fit un signe en le voyant sans parapluie. Où Monsieur va-t-il ? Aller à l'hôtel de Beauséant. Lequel ? Mot sublime qui confondit Eugène. Cet élégant inédit ne savait pas qu'il y avait deux hôtels de Beauséant. Il ne connaissait pas combien il était riche en parents qui ne se souciaient pas de lui. Le vicomte de Beauséant, rue de Grenelle. Voyez-vous, il y a encore l'hôtel du comte et du marquis de Beauséant, rue Saint-Dominique. Je le sais bien. Tout le monde aujourd'hui se moque donc de moi. Adressons-nous en haut. Quand on s'attaque à quelque chose dans le ciel, il faut viser Dieu. Rastignac reprit un peu de calme et d'assurance en voyant tomber la pluie. Il se dit que s'il allait dissiper deux des précieuses pièces de 100 sous qui lui restaient, elles seraient heureusement employées à la conservation de son habit, de ses bottes et de son chapeau. Il vit avec une douce satisfaction sa voiture passant sous le porche, tournant dans la cour et s'arrêtant sous la marquise du perron de l'hôtel de Beauséant. En descendant de sa voiture, Eugène la compara à l'un des plus élégants coupés de Paris, attelé de 2 chevaux fringants qui avaient des roses à l'oreille. À la chaussée d'Antin, Madame de Resto avait dans sa cour le fin cabriolet de l'homme de 26 ans. Au faubourg Saint-Germain, attendait le luxe d'un grand seigneur. Diantre, ma cousine aura sans doute aussi son Maxime. Eugène fut conduit par un grand escalier plein de fleurs, à rampes dorées, à tapis rouges, chez Madame de Beauséant, dont il ignorait la biographie verbale. Une de ces changeantes histoires qui se comptent tous les soirs, d'oreille à oreille, dans les salons de Paris. La vicomtesse était liée depuis 3 ans avec le marquis d'Ajuda Pinto. Monsieur d'Ajuda devait épouser une demoiselle de Rochefide. Dans toute la haute société, une seule personne ignorait encore ce mariage. Cette personne était Madame de Beauséant. Cependant, les bans allaient se publier. En ce moment, donc, Monsieur d'Ajuda Pinto se disait qu'il serait plus commode de traiter ce galant assassinat par correspondance que de vive voix. Quand le valet de chambre de la vicomtesse annonça Monsieur Eugène de Rastignac, il fit tressaillir de joie le marquis d'Ajuda Pinto. Sachez-le bien, une femme aimante est encore plus ingénieuse à se créer des doutes qu'elle n'est habile à varier le plaisir. Aussi, comptez que Madame de Beauséant surprit ce tressaillement involontaire, léger, mais naïvement épouvantable. Adieu. Mais à ce soir, n'allons-nous pas aux Italiens? Je ne le puis. Voilà l'homme au coupé. Mais il faut donc avoir des chevaux fringants, des livrées et de l'or à flot pour obtenir le regard d'une femme de Paris. Le démon du luxe le mordit au cœur. La fièvre du gain le prit, la soif de l'or lui sécha la gorge. Pourquoi ne pouvez-vous pas venir aux Italiens? Des affaires. Je dîne chez l'ambassadeur d'Angleterre. Vous le quitterez. Quand un homme trompe, il est invinciblement forcé d'entasser mensonge sur mensonge. Vous l'exigez? Oui, certes. Voilà ce que je voulais me faire dire. Il prit la main de la vicomtesse, la baisa et partit. Eugène passa la main dans ses cheveux et se tortilla pour saluer Madame de Beauséant. Eh bien, mon cousin, à quoi puis-je vous être bonne? Pardonnez-moi. Vous êtes la seule personne que je connaisse à Paris. Je voulais vous consulter en vous demandant de m'accepter comme un pauvre enfant qui désire se coudre à votre jupe et qui saurait mourir pour vous. Le méridional en était à son premier calcul. Entre le boudoir bleu de Madame de Resto et le salon rose de Madame de Beauséant, il avait fait 3 années de ce droit parisien, dont on ne parle pas, quoiqu'il constitue une haute jurisprudence sociale qui, bien pratiquée, mène à tout. J'avais remarqué Madame de Resto, à votre bal, et je suis allé ce matin chez elle. Vous avez dû bien la gêner. Oui, je suis un ignorant qui mettra contre lui tout le monde si vous me refusez votre secours. Je venais donc vous prier de me dire de quelle nature est la sottise que j'y ai faite. J'ai parlé d'un père... Madame la Duchesse de Langeais. Si vous voulez réussir, d'abord, ne soyez pas aussi démonstratif. Hey ! Bonjour, ma chère. Voilà deux bonnes amies. J'aurai dès lors deux protectrices. Quelle heureuse pensée dois-je le bonheur de te voir, ma chère Antoinette. J'avais su que vous fussiez occupée. Monsieur et... Monsieur Eugène de Rastignac, un de mes cousins. Clara, vous savez sans doute que demain, les bans de Monsieur d'Ajuda Pinto et de Mademoiselle de Rochefide se publient. Oh, un de ces bruits dont s'amusent les sots. Pourquoi Monsieur d'Ajuda porterait-il chez les Rochefide un des plus beaux noms du Portugal? Enfin, il y dîne aujourd'hui, les conditions sont arrêtées. Vous m'étonnez étrangement d'être si peu instruite. Quelle sottise avez-vous donc faite, monsieur? Ce pauvre enfant est si nouvellement jeté dans le monde qu'il ne comprend rien, ma chère Antoinette, à ce que nous disons. Soyez bonne pour lui. Remettons à causer de cela demain. La duchesse tourna sur Eugène un de ces regards impertinents qui enveloppent un homme des pieds à la tête, l'aplatissent et le mettent à l'état de zéro. Madame, j'ai, sans le savoir, plongé un poignard dans le cœur de Madame de Resto. Sans le savoir, voilà ma faute. Monsieur arrive. Il arrive, ma chère, et cherche une institutrice qui lui enseigne le bon goût. Madame la Duchesse, n'est-il pas naturel de vouloir s'initier au secret de ce qui nous charme? Allons, je suis sûr que je leur fais des phrases de coiffeur. Mais Madame de Resto est, je crois, l'écolière de Maxime de Trailles. Je n'en savais rien, madame. Aussi me suis-je étourdiment jeté entre eux. Enfin, je m'étais assez bien entendu avec le mari lorsque je me suis avisé de leur dire que je connaissais un homme que je venais de voir sortant par un escalier dérobé et qui avait au fond d'un couloir embrassé la comtesse. Qui est-ce? Un vieillard qui vit au fond du faubourg Saint-Marceau, comme moi, pauvre étudiant. Un véritable malheureux que nous appelons le père Goriot. Mais, enfant que vous êtes, Madame de Resto est une demoiselle, Goriot. La fille d'un vermicellier. Ah, c'est son père. Mais oui! Ce bonhomme a 2 filles, dont il est quasi fou. Quoique l'une et l'autre l'aient à peu près reniée. Elles ont renié leur père? Eh bien, oui. Leur père, le père, un bon père qui leur a donné, dit-on, à chacune 500 000 francs pour faire leur bonheur en les mariant bien, et qui ne s'était réservé que 8 à 10 000 livres de rente pour lui, croyant que ses filles resteraient ses filles, qu'il s'était créé chez elles deux existences, deux maisons où il serait adoré, choyé. En 2 ans, ses gendres l'ont banni de leur société comme le dernier des misérables. Quelques larmes roulèrent dans les yeux d'Eugène, qui n'en était qu'à sa première journée sur le champ de bataille de la civilisation parisienne. Les émotions véritables sont si communicatives que pendant un moment, ces trois personnes se regardèrent en silence. Je crois me rappeler que ce Goriot a fait fortune en vendant pendant la Révolution des farines, 10 fois plus qu'elles ne lui coûtaient. Eh bien, ce Goriot, qui vendait du blé aux coupeurs de tête, n'a eu qu'une passion. Depuis la mort de sa femme, qu'il aimait d'un amour sans borne, il adore, dit-on, ses filles. Il a juché l'aîné dans la maison de resto et greffé l'autre sur le baron de Nucingen, un riche banquier qui fait le royaliste. Vous comprenez bien que sous l'Empire, les deux gendres ne se sont pas trop formalisés d'avoir ce vieux 93 chez eux. Ça pouvait encore aller avec Bonaparte, mais quand les Bourbons sont revenus, il a vu que ses filles avaient honte de lui, que si elles aimaient leur mari, il nuisait à ses gendres. Il fallait donc se sacrifier, il s'est sacrifié. Parce qu'il était père, il s'est banni de lui-même. Le monde est infâme. Non, il va son train, voilà tout. Si je vous en parle ainsi, c'est pour montrer que je ne suis pas la dupe du monde. Je pense comme vous, le monde est un bourbier. Tâchons de rester sur les hauteurs. Vous êtes bien belle en ce moment, ma chère. Vous avez les plus jolies couleurs que j'ai vues jamais. Le père Goriot est sublime. Madame de Beauséant n'entendit pas. Elle était pensive. Quelques moments de silence s'écoulèrent et le pauvre étudiant, par une sorte de stupeur honteuse, n'osait ni s'en aller, ni rester, ni parler. Le monde est infâme et méchant. Aussitôt qu'un malheur nous arrive, il se rencontre toujours un ami prêt à venir nous le dire et à nous fouiller le cœur avec un poignard en nous en faisant admirer le manche. Eh bien, monsieur de Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de l'être. Vous voulez parvenir ? Je vous aiderai. Plus froidement vous calculerez, plus avant vous irez. Frappez sans pitié, vous serez craint. N'acceptez les hommes et les femmes que comme les chevaux de poste que vous laisserez crever à chaque relais. Vous arriverez ainsi au fait de vos désirs. Mais, si vous avez un sentiment vrai, cachez-le comme un trésor. Ne le laissez jamais soupçonner, vous seriez perdu. Écoutez-moi. Il existe quelque chose de plus épouvantable que ne l'est l'abandon du père par ses deux filles, qui le voudraient mort. C'est la rivalité des deux sœurs entre elles. Resto a de la naissance. Sa femme a été adoptée, elle a été présentée, mais sa sœur, sa riche sœur, la belle madame Delphine de Nucingen, femme d'un homme d'argent, meurt de chagrin. La jalousie la dévore. Ces deux femmes se renient entre elles comme elles renient leur père. Aussi, madame de Nucingen l'apprête-t-elle toute la boue qu'il y a entre la rue Saint-Lazare et la rue de Grenelle pour entrer dans mon salon. Elle a cru que de Marsay la ferait arriver à son but, et elle s'est faite l'esclave de de Marsay. Ah, il se soucie fort peu d'elle. Si vous me la présentez, vous serez son Benjamin. Elle vous adorera. Aimez-la si vous pouvez après. Sinon, servez-vous d'elle. Je la saluerai. Cela suffira. Vous vous êtes fermé la porte de la comtesse pour avoir prononcé le nom du père Goriot. Vous avez été consigné, eh bien, que le père Goriot vous introduise près de madame de Nucingen. Soyez l'homme qu'elle distingue. Les femmes raffoleront de vous. Vous aurez des succès. À Paris, le succès est tout. C'est la clé du pouvoir. Si les femmes vous trouvent de l'esprit, du talent, les hommes le croiront si vous ne les détrompez pas. Vous saurez alors ce qu'est le monde. Une réunion de dupes et de fripons. Ne soyez ni parmi les uns, ni parmi les autres. Je vous donne mon nom comme un fil d'Ariane pour entrer dans ce labyrinthe. Ne le compromettez pas. Rendez-le-moi blanc. Allez, laissez-moi. Nous autres femmes, nous avons aussi nos batailles à livrer. Il était 5 heures. Eugène avait faim. Il craignit de ne pas arriver à temps pour l'heure du dîner. Rue Neuve-Sainte-Geneviève, il aperçut dans cette salle à manger nauséabonde, comme des animaux à un râtelier, les 18 convives en train de se repaître. Le spectacle de ces misères et l'aspect de cette salle lui furent horribles. La transition était trop brusque, le contraste trop complet pour ne pas développer, outre mesure chez lui, le sentiment de l'ambition. Vous êtes bien sombre, monsieur le marquis. Je ne suis pas disposé à souffrir les plaisanteries de ceux qui m'appellent monsieur le marquis. Quand on vit dans la maison Vauquer, on n'est pas précisément le favori de la fortune. Vous êtes de mauvaise humeur parce que vous n'avez peut-être pas réussi auprès de la belle comtesse de Resto. Elle m'a fermé sa porte pour lui avoir dit que son père mangeait à notre table. Tous les convives s'entre-regardèrent. Le père Goriot baissa les yeux et se retourna pour les essuyer. Qui vexera le père Goriot s'attaquera désormais à moi. Il vaut mieux que nous tous. Je ne parle pas des dames. Vous êtes donc entré en campagne aujourd'hui ? Peut-être, mais je ne dois compte de mes affaires à personne. Attendu que je ne cherche pas à deviner celles que les autres font la nuit. Mon petit, quand on ne veut pas être dupe des marionnettes, il faut entrer tout à fait dans la baraque et ne pas se contenter de regarder par les trous de la tapisserie. Le dîner devint sombre et froid. Le père Goriot, absorbé par la profonde douleur que lui avait causée la phrase de l'étudiant, ne comprit pas que les dispositions des esprits étaient changées à son égard et qu'un jeune homme, en état d'imposer silence à la persécution, avait pris sa défense. Vous avez donc vu ma fille ? Vous êtes un digne et brave homme. Nous causerons de vos filles plus tard. Eugène se retira dans sa chambre où il écrivit à sa mère la lettre suivante. Ma chère mère, j'ai besoin de 1200 francs. Il me les faut à tout prix. Je t'expliquerai mes motifs aussitôt que je te verrai, car il faudrait écrire des volumes pour te faire comprendre la situation dans laquelle je suis. Je n'ai pas joué, ma bonne mère. Je ne dois rien. Mais si tu tiens à me conserver la vie que tu m'as donnée, il faut me trouver cette somme. Enfin, je vais chez la vicomtesse de Beauséant, qui m'a pris sous sa protection. Je dois aller dans le monde et n'ai pas un sou pour avoir des gants propres. Il s'agit pour moi de faire mon chemin ou de rester dans la boue. Je sais toutes les espérances que vous avez mises en moi et veux les réaliser promptement. Ma bonne mère, vends quelques-uns de tes anciens bijoux. Je les remplacerai bientôt. Ne vois dans ma prière que le cri d'une impérieuse nécessité. Notre avenir est tout entier dans ce subside avec lequel je dois ouvrir la campagne. Car cette vie de Paris est un combat perpétuel. Etc. Il écrivit à chacune de ses sœurs en leur demandant leurs économies. Quand il eut écrit ses lettres, il éprouva néanmoins une trépidation involontaire. Il palpitait, il tressaillait, il avait honte d'avoir écrit. Ces effroyables sacrifices allaient lui servir d'échelon pour arriver à Delphine de Nucingen. Quelques larmes, derniers grains d'encens jetés sur l'autel sacré de la famille, lui sortirent des yeux. Le lendemain, Rastignac alla jeter ses lettres à la poste. Il hésita jusqu'au dernier moment, mais il les lança dans la boîte en disant « Je réussirai ». Ici se termine l'exposition de cette obscure mais effroyable tragédie parisienne. Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossir. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Troisième épisode. Avec Michel Vuillermoz, Lionel Lingelser, Marie-Sophie Ferdan, Jean-Claude Frissung, Christine Murillo, Pauline Chevillé, Barthélémy Méridjen, Marie Desgranges, Clément Bresson, Guillaume Durieux, Grégoire Mont-Saint-Jean, Léo Dussolier, Denis Ardan, Françoise Gaziot, Henri Alexandre, Olivier Ruidavé, Cédric Bouvier et Philippe Pierrard. Bruitage, Elodie Fiat. Musique originale, Manuel Pesquine. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Victoria Asper. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.